par des sciences. Chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous écouter. Ce sont les Mardis de l'espace organisés par le CNES une nouvelle fois. Et aujourd'hui, on va parler des formes de la Terre. Oui, les formes de la Terre, les formes. Parce qu'il n'y a pas qu'une forme de la Terre. Alors bien sûr, on connaît la forme géométrique, une forme classique, topographique, celle qui est illustrée par les montagnes, les plaines, les failles. Mais il y a une autre forme aussi qu'on méconnaît souvent et qui a pourtant une importance gigantesque. Eh bien, cette forme, c'est la forme gravitationnelle. Et justement, on va en savoir un petit peu plus aujourd'hui à propos de ces deux formes-là qui sont toutes les deux extrêmement utiles. Est-ce que vous vous rendez compte que sans géodésie, c'est-à-dire sans la science de ces deux formes, eh bien, on ne pourrait pas creuser de tunnels, on ne pourrait pas réaliser de ponts, les GPS se tromperaient de plusieurs dizaines de mètres, et même certains satellites s'écraseraient peut-être au sol. Alors, on va voir ça tout de suite avec nos deux intervenants, Richard Biancal et Isabelle Panet. 19h mardi soir, tu te décarcasses pour savoir où passer ta soirée. Le concert de basse et de maracas est annulé et ta petite amie vient de casser. Tu te sens vraiment bluesy et t'as la haine. Tu te promènes tout seul sur les quais de la Seine. Les mardis de l'espace au café du bonheur te changent les idées, te remettent les accus à neuf. Les mardis de l'espace au salon du pont. Merci Michel. Merci beaucoup de votre présence ce soir pour les Mardis de l'espace. C'est à chaque fois un même rendez-vous tous les mois, le troisième mardi de chaque mois. Vous pouvez être sûr de nous retrouver ici. On est là. Et puis bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent par Twitter, parce que on va avoir un récit qui va être réalisé en direct de nos débats ce soir sur Twitter, grâce à nos twittos qui sont là présents, ce soir aussi à vous. Et si vous-même vous avez envie de suivre ce débat ce soir, pendant qu'on discute, ou même la fois prochaine, vous pouvez utiliser l'hashtag KNESTweetup. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les enfants naissent fixistes. Pour les enfants, quand ils viennent au monde, le monde est fixe. Il bouge assez peu. Et c'est en grandissant, petit à petit, qu'on se rend compte qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Bien sûr, tout ce qui vit évolue. Les espèces apparaissent, disparaissent, se transforment. Les sociétés, elles-mêmes aussi, elles ont une histoire, elles changent et elles se modifient. Mais aussi les objets qui ne sont pas vivants. Par exemple, les langues aussi ont une histoire. Eh bien, il en va de même avec la forme de la Terre. On imagine la forme de la Terre comme cette espèce de boule de billard intangible, immarcessible, qui ne change absolument pas, à ceci près qu'elle est toujours un petit peu aplatie au pôle. Eh bien non, il y a des modifications qui sont apportées à la forme de la Terre. Elle a une histoire aussi, et cette forme de la Terre change. Alors je dis la forme de la Terre, mais je me trompe, parce que vous l'avez compris, ce soir on va parler des formes de la Terre. Il y a la forme de la Terre qu'on connaît tous, qui est la forme géométrique, celle qu'on peut voir tout simplement, avec les montagnes, les plaines, les failles, ce genre de choses. Et puis il y a une autre forme, une forme que je qualifierais comme ça, même si le terme n'est pas tout à fait exact, de gravitationnelle. La forme gravitationnelle de la Terre, on va en parler ce soir. Et ces deux formes, elles sont inséparables. Et leur connaissance, la connaissance de ces deux formes, de leur évolution, est extrêmement utile. Si par exemple vous voulez construire un pont, si par exemple vous voulez construire un tunnel, vous avez besoin de connaître ces deux formes de la Terre. si on ne connaissait pas ces deux formes, et notamment la forme gravitationnelle, eh bien les GPS se tromperaient dans la mesure qu'ils nous donnent ou qu'ils nous permettent de calculer à partir de leurs signaux. Nos appareils GPS se tromperaient. Et même, est-ce qu'il ne serait pas impossible que quelques satellites se cassent la figure sur Terre? On va voir si ce scénario est tout à fait imaginable avec, en s'intéressant à cette discipline. Cette discipline, c'est la géodésie. La géodésie, on va s'y initier ensemble ce soir avec vos questions, puisque dans quelques instants, je viens vers vous, je vous passe le micro et vous allez pouvoir poser vos questions à nos deux intervenants, nos deux géodésiens. Il s'agit de Richard Biancal et Isabelle Panet. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. Bonsoir, Richard Biancal, Isabelle Panet. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de vous, nous dire qui vous êtes ? Isabelle Panet, à vous. Tenez, prenez le micro. Voilà. Donc moi, je suis chercheure au laboratoire de recherche en géodésie de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Ça, c'est l'IGN. C'est l'IGN qui a changé de nom. Ancien Institut géographique national, voilà. Et je m'intéresse à la détermination du champ de pesanteur terrestre à haute résolution spatiale et à l'analyse de ses variations. D'accord. Et Richard Biancal ? Et bonjour. Donc moi, même depuis presque trois décennies, je fais de la géodésie. Et notamment, j'ai cet honneur d'en faire au sein du CNES, du Centre National d'Études Spatiales, qui a une petite équipe de géodésie spatiale qui traite de l'ensemble de ces problèmes de géodésie. En outre, je voudrais mentionner aussi ce groupe national qui fédère différentes équipes françaises sous différentes tutelles, que ce soit le CNES, l'IGN, l'Observatoire de Paris, de la Côte d'Azur et encore d'autres, et qu'on appelle le GRGS, Groupe de Recherche de Géodésie Spatiale, qui lui-même a une quarantaine d'années. Et il fédère, qui fédère les différentes équipes françaises qui font de la géodésie spatiale dans ces instituts. Ok, très bien. Et le CNES, bien sûr, c'est l'organisateur de cette soirée, le Centre National d'Études Spatiales, qui est l'agence spatiale française, peut-on dire. Alors, je voudrais qu'on commence d'abord avec le plus simple. On va y aller progressivement, pas à pas, si vous voulez bien, parce que vous allez voir que ça se complique vers la fin. On a affaire à deux matheux, attention, ce soir. Je voudrais qu'on parle d'abord de cette forme géométrique de la Terre. Je disais que c'est la forme visuelle, la forme topographique. On peut la qualifier comme ça. Ça vous paraît juste ? Oui. Alors, c'est vrai que sous-jacent à la géodésie, il y a beaucoup de mathématiques, mais vous verrez qu'on ne va parler que sur du descriptif ce soir, et on a notamment prévu un certain nombre d'images à vous délivrer. Et la première de ces images que vous avez, c'est une image de la topographie terrestre. Alors, on peut regarder cette première image, donc elle s'appelle Etopo 1, c'est écrit en bas à gauche. Qu'est-ce que c'est que cette image ? Alors, Etopo, c'est pour le modèle. En fait, elle représente la topographie de la Terre qui rassemble différentes informations prises soit par satellite, soit sur la Terre elle-même, et qui montre sur les continents donc les altitudes. Vous voyez les différentes gammes de couleurs qui présentent ces altitudes. Et pour donc, ce qui est vert, ce n'est pas la végétation. Ce qui est blanc, c'est ce qui est le plus bas en altitude. Voilà, ce qui est vert est le plus bas et ce qui est marron est le plus haut. Ah, le vert, c'est le plus bas. D'accord. Et le bleu est encore plus bas, mais le bleu représente là la topographie des océans, ce qu'on appelle la bathymétrie. La bathymétrie, la topographie des océans. Alors, qu'est-ce que cette... Du plancher des océans. Ouais. Isabelle Panet, vous voulez ajouter quelque chose ? Donc, du plancher des océans, Le plancher des océans, oui. Qui est déduite de mesures satellitaires, notamment. Ok. Alors, cette carte, elle est récente, Isabelle Panet, Richard Biancal ? Donc, elle date du début des années 2000. Ouais. Elle se base sur des mesures effectuées par une mission, la mission SRTM, pour la partie émergée des terres, qui a volé... début des années 2000. Qu'est-ce que c'est SRTM ? Donc, c'est une mission qui est dédiée à la mesure de la topographie terrestre en comparant, donc vous imaginez, deux images de la même zone prises sous des angles un petit peu différents. Là, on est sur la navette, on est sur la navette spatiale. C'est la navette spatiale qui est partie donc, au début des années 2000. Et donc, on avait deux appareils, deux radars, c'est ça ? Voilà, donc ouais. Qui émettent des ondes qui sont réfléchies sur la surface et reviennent au satellite. Et lorsqu'on a deux points de vue différents, on peut reconstruire la topographie. Avec deux radars, c'est comme si on avait deux yeux pour voir le relief, c'est ça? Un peu comme ça? En quelque sorte. En quelque sorte, d'accord. Et donc les deux radars étaient distants de quoi? De 60 mètres, c'est ça? Donc la navette a fait de la stéréo. Ouais. Avec cet équipement radar en deux longueurs d'onde, donc différentes fréquences, et les émetteurs étaient distants de 60 mètres. La navette a étendu un bras sur un côté jusqu'à 60 mètres de distance pour faire ces mesures. Donc il y avait un mât gigantesque de 60 mètres de long qui a été déplié, et donc on avait ces deux radars qui étaient comme deux yeux permettant de reconstituer cette carte. C'est la carte globale et topographique la plus précise à ce jour? Alors, pas forcément la plus précise, parce que quand on fait des mesures terrestres sur des petites étendues, comme voir la France, on peut avoir des précisions meilleures que celle-là. Mais elle a eu cet avantage qu'on a eu, de ce fait, une topographie globale de la Terre, tout autour de la Terre, malgré tout complétée sur les zones polaires par d'autres mesures, comme l'altimétrie sur les glaces. Oui, parce que la navette ne va pas au-dessus des pôles, donc on n'a pas de mesure au-dessus des pôles. Donc ça a été complété. La couverture de la navette se représente à peu près 80% de la couverture terrestre. Et sur pour la bathymétrie, là ce sont des sondages bathymétriques qui, complétés par des mesures altimétriques prolongées sous les océans, avec certains algorithmes, ont permis de reconstituer une bathymétrie assez précise. Donc la bathymétrie, c'est ce qui se passe au fond des océans, c'est ça? C'est le relief du fond des océans, en effet, donc, dont on voit qu'il est loin d'être plat. Donc on a du bleu foncé, du bleu ciel. Voilà, on a des zones qui vont être moins profondes au milieu des océans, comme on peut le voir au milieu de l'océan Atlantique, sur la carte, et d'autres zones qui vont être beaucoup plus profondes. On peut le voir, par exemple, au large du Japon, donc à l'extrémité ouest de l'océan Pacifique. Alors, qu'est-ce que ça donne, une carte comme ça? C'est vraiment utile d'avoir une carte globale? Quel est l'usage qu'on peut en faire? Alors, les applications, elles sont assez nombreuses. Si on veut étudier l'intérieur de la planète, on va utiliser cette carte avec des cartes du champ de pesanteur terrestre. Ah, mais là, vous allez déjà au deuxième niveau de notre soirée. Ouais, ouais. Si on veut construire des ouvrages d'art, il faut connaître la topographie. On peut aussi étudier la manière dont cette topographie va évoluer au cours du temps, parce qu'elle n'est pas fixe du tout. Ça, c'est la dérive des continents, ce genre de choses? Alors, en effet, ouais. La surface de la Terre est animée de mouvements liés, entre autres, à la dérive des continents, et on est capable de les mesurer. Donc, avec des mesures de système GPS, il y a un grand nombre de phénomènes qui vont induire des variations de cette surface topographique. D'autres commentaires, Richard Bianchel, là-dessus? Une première utilisation, c'est évidemment la géographie, la connaissance même de notre planète, la représentation du relief, des altitudes que vous retrouvez dans tous les atlas et qui aujourd'hui sont digitaux. Enfin, vous avez des atlas digitaux qui vous donnent cette représentation. Alors, quand on veut en savoir plus sur une partie du globe précise, on a d'autres moyens à disposition que cette carte, enfin que la navette là qui a volé qu'une seule fois, hein, pour faire cette, enfin que ce système qui n'a volé qu'une seule fois sur la navette. Alors effectivement, ouais. Depuis de longues dates, on fait des mesures, ce qu'on appelle de nivellement sur les territoires, qui en partant d'un point de référence qu'on pense être toujours le niveau zéro. Donc on va voir, on va au bord de la mer, par exemple en France, notre point de référence du niveau zéro est à Marseille, et précisément au marégraphe de Marseille. Et à partir de là, on chemine. Vous avez sans doute tous vu ça le long des routes, par exemple, des mires que l'on vise. Avec ça ressemble à quoi, une mire le long des routes? Simplement une règle qu'on met verticale, qui est graduée, et qu'on vise avec une lunette qui elle-même est positionnée selon l'horizontale par un niveau à bulle et qui permet entre deux mires de mesurer la différence de hauteur. Et en cheminant depuis le point zéro, on détermine ainsi les altitudes de proche en proche. Il y a un autre instrument spatial qui permet d'en savoir plus, c'est Pléiade, non? Les satellites Pléiade du... Alors ouais. Ensuite, c'est de l'imagerie optique. Ouais. qui permet de représenter. Et puis avec Pléiade, effectivement, on atteint maintenant la stéréographie également, puisqu'il y en a deux. Mais qui permet de deux satellites, hein. Oui, qui permet de représenter la topographie sur la Terre et d'en faire des mesures à ce moment-là de topométrie. Mmh. Alors, c'est quoi la différence entre la topographie et la topométrie ? Étymologiquement, la topographie, c'est la description du relief. Alors, donc, à quoi ça ressemble ? C'est la mesure. C'est la mesure exacte. Hein. On donne un chiffre à la fin de la topométrie. Et alors, quelle précision vous pouvez avoir là sur l'altitude, la forme ou l'altitude de d'une montagne ou que sais-je ? Donc, tout dépend de la mesure utilisée. Si on prend les mesures de la mission de la navette spatiale, on a globalement une précision de l'ordre de 5 mètres, ce qui est bien, surtout qu'on a toute la planète. En altitude, hein, 5 mètres. En altitude, ouais. 5 mètres. Cela dit, si on prend des mesures de nivellement, on peut atteindre le centimètre. Donc ça veut dire qu'on connaît au centimètre près certains... par exemple, le Mont Blanc, on le connaît avec son altitude, on la connaît avec au centimètre près. Les cheminements qui ont été faits en France, et notamment par l'IGN, et qui remontent jusqu'à la mer du Nord, ont des précisions qui sont de l'ordre de 2 à 3 centimètres. Mmh. D'accord. Et alors tout ça, ça se modifie avec le temps. Avec quelles causes, quelles sources ? Est-ce que tout ça, ça se change ? Donc on va commencer par les marées, qui sont le phénomène le plus important. L'attraction de la Lune n'est pas ressentie de la même manière du côté de la Terre qui est le plus proche de la Lune que du côté de la Terre qui est le plus éloigné de la Lune. Parce que c'est une force qui décroît avec la distance, et comme la Terre n'est pas une masse ponctuelle mais qu'elle a une certaine extension spatiale, il y a une différence de distance entre la Lune et la face la plus proche et la plus éloignée, qui fait que l'attraction de ce corps n'est pas la même, hein, et ça va causer des déformations avec des périodes diurnes ou semi-diurnes, donc très rapides, qui peuvent être importantes. Donc c'est 30 cm, il me semble, 30-40 cm. Donc ça, c'est la forme des océans. Non, alors justement, pas que. Ah, d'accord. La marée océanique, c'est une des parties, une des composantes de ces effets de marée. Mais il y a aussi toute la Terre solide qui est soumise à ce différentiel d'attraction gravitationnelle de la Lune entre la face la plus proche et la face la plus éloignée. D'accord, donc les parties dures elles-mêmes de la Terre sont déformées. Elles se déforment, et donc à Paris, on va monter et descendre de 30 cm tous les jours sans s'en apercevoir. D'accord. De ce fait-là. Okay. Donc ça, c'est le phénomène le plus important, mais après, il y en a bien d'autres. La tectonique. Donc, comme vous l'avez dit, la surface de la Terre est constituée de plaques qui sont discontinues, avec des frontières entre ces plaques. Et ces plaques bougent, l'intérieur de la Terre étant loin d'être inerte, en fait. Et elles vont bouger suivant les zones, donc ça peut monter à quelques centimètres par an. Et ça crée des mouvements, des mouvements horizontaux. Lorsqu'on a un tremblement de terre, un séisme, c'est un mouvement brutal d'une région plus particulière qui peut mener à des changements dans les traits de côte, en fait. Dans les traits de côte, ouais. Si le tremblement de terre se produit en mer... il peut y avoir une montée ou un affaissement, de la surface qui fait que la forme du trait de côte bouge légèrement. Après, il y a encore plein d'autres causes de déformation de la Terre. Il y a au Pléistocène, les calottes glaciaires. Oh, c'était il y a longtemps, le Pléistocène. Il y a longtemps. C'était entre 100 000 et 10 000 ans. Il y a entre 100 000 et 10 000 ans. Oui. Et les calottes glaciaires étaient beaucoup plus étendues à l'époque, avec un maximum de glaciation qui était il y a 22 000 ans. Et elles se sont réduites. Et cette masse de glace, en fait, appuie sur la surface de la Terre. Et lorsque la glace fond, ce poids disparaît. Et comme la Terre, en effet, n'est pas complètement rigide... Eh bien, très, très, très lentement. Ouais. Et puis, elle a même une viscosité. Viscosité, ouais. Voilà. Très, très, très lentement, elle va relaxer. Et le sol va... Reprendre du volume. Reprendre, voilà, très, très, très lentement, reprendre du volume. Et ces effets continuent de se poursuivre à l'heure actuelle sur des zones donc proches des pôles. Donc avec la fonte des glaces qu'on observe actuellement, on est encore là aussi en train de... Alors ça c'est autre chose, mais ça induit aussi des déformations. <D'accord. rire> Parce que donc ce dont je viens de parler, c'est la fonte des glaces passée, et oui. c'est une déformation visqueuse très très lente de la planète. Après, les glaces actuelles, en effet, leur masse va varier, et ça induit un autre type de déformation, qui est une déformation qu'on qualifie d'élastique, instantané, lorsque la charge appuyée qui appuie sur la surface de la planète évolue, eh bien celle-ci se déforme très légèrement, mais immédiatement. Et tout ça, vous êtes capable de le mesurer, Richard Biancal ? Eh bien tout ça, on le mesure justement avec les satellites géodésiques. Je voudrais revenir sur les marées, car là, je peux me permettre de poser une question. Les gens sont assez interpellés du fait que les marées, par exemple, hautes, qu'on voit aussi sur les océans, elles sont identiques aux antipodes. Elles sont identiques aux antipodes, oui, c'est ça. De l'autre côté de la Terre, on a les mêmes marées. À peu près les mêmes à marées. À peu près. Un peu moins fortes, j'ai cru comprendre. Non, pas forcément. Okay. Et c'est justement, si on considère l'origine de ces marées, c'est une attraction. Et donc, aux antipodes, on est plus loin de l'astre qui attire. Ouais. Et donc, on devrait, normalement, avoir une marée, au contraire. Ah oui, c'est vrai, au contraire, oui, j'ai raison. Oui, Or, on trouve des marées hautes aux antipodes, d'accord. ou des marées basses. Alors, c'est quoi votre question ? C'est qui a la réponse ? Voilà, c'est moi. C'est une Alors, je peux donner maintenant la réponse. Ah bah non, je ne sais pas si peut-être quelqu'un. Mais peut-être que quelqu'un connaît la réponse. Quelqu'un connaît la réponse. Pourquoi a-t-on les mêmes marées aux antipodes ? Pourquoi est-ce qu'on a des marées aux antipodes ? Alors, pour les marées solaires. Ah bah attendez une seconde. Non, personne, non. Personne ne se lance. Non. Il y a deux types de marées. Il y a les marées lunaires, c'est celles qu'on voit de façon principale sur le bord de nos côtes, mais ce n'est pas partout vrai dans le monde. Elles sont donc à 12 heures et un peu plus, 12 heures et 25 minutes, du fait du mouvement de la Lune autour de la Terre. Et puis il y a les marées solaires, qui sont de l'ordre de grandeur de la moitié des marées lunaires, en gros, notamment pour les marées terrestres, et qui sont là purement à 12 heures. Alors maintenant, si l'explication, si elle est compréhensible... un point qui est sur la Terre est plus attiré que le point qui est au centre, et bien sûr que le point qui est aux antipodes. Donc le point le plus proche à la surface est plus attiré. Donc devrait se déformer plus. Oui. Mais la Terre, malgré tout, est un corps solide. Et donc si on en fait la résultante, donc si on calcule la moyenne de l'ensemble de ses forces, on l'applique au centre de la Terre, et c'est elle qui génère le mouvement de la Terre. Par exemple, si on regarde la marée solaire, c'est elle qui génère le mouvement de la Terre autour du Soleil. Et donc, pour la déformation, il faut la soustraire des autres forces. Et donc, au plus près du Soleil, par exemple, il faut soustraire la force principale. Donc, comme elle est appliquée au centre de la Terre, elle est un peu moindre. Donc, on a une force positive dirigée vers le Soleil. Et quand on est aux antipodes, si on soustrait cette force, elle est un peu plus grande que la force qu'on a aux antipodes. Et donc, puisqu'elle est un peu plus grande, forcément, la force résultante, elle va être dans l'autre sens. Alors, tout à l'heure, personne n'avait la réponse. Après vous avoir écouté, est-ce que certains ont compris la réponse ? Moi pas, mais... Ah non, alors, vous n'avez pas grand succès là, Richard Biancal. Soit il faut la refaire plus lentement, soit... Ouais. Bon, on va essayer d'avancer, et puis c'est une belle colle quand même, hein, que vous avez posée. En tout cas, c'est une belle histoire. Alors, on va prendre quelques questions peut-être. Là, on est toujours sur notre forme géométrique, mais vous voyez, petit à petit et pas à pas, on va aller à notre forme géodésique. Monsieur ? Il me semblait avoir lu quelque part à propos de l'explication des marées que, en fait, puisque si on prend simplement le cas de la Lune et de la Terre pour simplifier le calcul, l'ensemble des deux tourne pas autour du centre de la Terre, mais autour du centre de gravité commun qui est décalé vers la Lune. Ce qui fait que la partie de la Terre qui est de l'autre côté tourne avec un bras de levier plus grand, et ça donnerait une force centrifuge supérieure qui correspondrait à l'élévation de l'eau aux antipodes du point tourné vers la Lune. Alors je ne sais pas si ça revient au même que l'autre explication. Alors, qui se lance ? Richard Biancal, Isabelle Panet se regardent avec perplexité et circonspection. Allez, Isabelle Panet se lance. Non, mais c'est vrai, on peut considérer le système à deux corps tourne autour de son barycentre. C'est vrai que moi, j'ai toujours connu l'explication des marées par le différentiel par rapport au centre de masse de la Terre. Il me semble que les deux doivent revenir au même. Nouvelle colle. Ok, on va passer à la deuxième question. On a parlé tout à l'heure de pouvoir mesurer les variations de la surface terrestre dues à, par exemple, la fonte des glaces. Est-ce que l'extraction de charbon, pétrole, etc. Ah oui. a produit par le vide, si j'ose dire, que ça crée dans le sous-sol, des mouvements mesurables ou détectables avec ce genre de technique? Ah oui, dites donc. Alors, on a extrait des millions et des millions et des centaines, des milliards de tonnes probablement du sol, en charbon, en pétrole, etc. Est-ce qu'on a changé comme ça les formes de la Terre? Alors c'est vrai lorsqu'on extrait des hydrocarbures, lorsqu'on pompe de l'eau, la surface est affectée de mouvements verticaux. Il peut y avoir des mouvements de subsidence. C'est-à-dire que la surface s'enfonce, pardon. La surface s'enfonce et ça peut être suivi par, ces techniques radar où on utilise des ondes radar avant et après, donc des images radar collectées sur toute une période de temps. Ça se mesure alors? Ça se mesure, oui. Et ça s'observe même? Absolument. D'autres questions? Monsieur, je vous écoute. La surface d'eau qui se retracte, elle se retracte en convexe ou comment est-ce qu'elle fait pour que les marées soient reviennent vers le centre? L'eau, comment est-ce qu'elle réagit l'eau? Pour les marées alors, on en revient à nos marées, hein. Ça nous passionne. Richard Biancal. Donc il existe des... Tu vas faire œuvre de pédagogue. Il existe des courants de marée, effectivement. Donc s'il y a un manque d'eau quelque part, il faut bien qu'elle aille ailleurs et elle va là où il y a une marée, il y a un surplus d'eau. Donc les marées entraînent des courants et le long des côtes, on le sait bien, marée descendante, marée montante, il peut y avoir des très forts courants de marée qui déplacent ces masses d'eau. D'autres interventions? Ayant fait un peu de navigation avec des amis, j'avais regardé justement les courbes des marées et tout, et je me suis aperçu de quelque chose qui n'est pas tellement connu apparemment. Je n'ai pas été dans un des points en question. Je crois qu'il y a entre l'Angleterre et la côte belge ou hollandaise ce qu'on appelle les points amphidromiques, c'est-à-dire un endroit où la marée est nulle localement, alors que tout autour... Il y a des mouvements très importants, mais c'est une sorte de nœud de vibration. Si on prenait quand on fait vibrer une corde, il y a des points qui sont immobiles et d'autres qui ont une grande amplitude. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Est-ce qu'il y a beaucoup de points comme ça qui existent sur Terre? Le point amphidromique, c'est ça? Oui, alors amphidromique vient à une étymologie grecque. Hein. Amphi comme amphithéâtre et drôme comme motodrome. Donc c'est un point où la face de la marée tourne en rond. Et de ces points-là, il en existe effectivement dans l'océan, mais il en existe par type d'onde. On peut avoir un point amphidromique d'une marée lunaire, donc lié à l'attraction de la Lune, comme on peut avoir un point amphidromique, mais à un autre endroit, d'une marée solaire. Quand on additionne l'ensemble des marées, ces points amphidromiques n'existent plus vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point où la marée est toujours nulle. Ça dépend du type de marée. Et alors effectivement, donc pour les marées, si on regarde les points amphidromiques des marées principales comme la marée lunaire, il en existe plusieurs dans les bassins océaniques. Oui. Mais ça se compte par... par dizaines? Non, il y en a quelques unités, il y en a moins d'une dizaine. Ah oui, d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe si je me trouve, moi, avec mon bateau au point amphidromique, rien de particulier, je ne m'en rends même pas compte. Donc, si vous allez au Mont-Saint-Michel, vous montrez des cendriers de 14 mètres, si vous allez sur ce point, vous ne bougerez que pas, normalement, mais sinon de quelques centimètres. Ça, je ne monte pas en altitude, je ne descends pas, ni donc je ne m'en rends pas compte. C'est un point où l'élévation de l'océan reste constante. D'accord. Ok. Très bien. Parfait. Merci beaucoup pour ces questions, monsieur. Michel, tu as peut-être quelque chose à nous dire ? Je veux bien que la capitale soit un marais un peu bancal qui s'enfonce un peu chaque jour. Mais que Marseille soit au niveau zéro, je trouve que c'est parler trop haut. Marseille est au niveau zéro. Voilà bien une remarque de Parisien. Bravo. Je voulais qu'on en vienne à notre deuxième point. Donc voilà un peu on a fait un petit tour des formes géométriques, de la forme géométrique, et on pourrait arriver lentement vers notre forme que j'ai appelée gravitationnelle. Alors par exemple, je ne sais pas si le cas est réel, mais imaginons qu'il soit réel. Prenez l'Allemagne et prenez la Suisse, il y a, je sais pas, une centaine d'années, et voilà que l'un et l'autre pays décident de construire un pont entre les deux pays. Et ben, qui veut continuer l'histoire, Richard Biancal ? C'était il y a 100 ans, disons, il y a 100 ans. Donc imaginons cette histoire, et effectivement, pour construire un pont, il faut que, si les deux pays construisent des arches pour arriver au milieu de la rivière... C'est ça, chacun commence le pont de son côté de la frontière. Il faut qu'ils le construisent à la même altitude. Et donc, il faut qu'ils utilisent une même référence d'altitude. Mais chaque pays est allé chercher sa référence d'altitude dans un point différent. Pour l'Allemagne, ils vont chercher la référence d'altitude auprès d'une mer, ils vont chercher auprès de la mer Baltique. Pour les Suisses, c'est au contraire au sud. Et ces mers ont des densités différentes, des températures différentes. Des densités différentes. Des concentrations de sel différentes. Des concentrations de sel températures différentes, ouais. Qui font qu'elles n'ont pas la même densité. Et que le niveau zéro, si on le recherche, ne va pas coïncider entre la mer du Nord ou la Baltique et la mer Adriatique, par exemple. Alors ça, vous dites ça comme si ça allait de soi, mais je suis sûr que pour pas mal de monde ici, c'est une découverte. C'est-à-dire qu'on s'imagine que le niveau zéro, c'est le même partout, et vous nous dites que c'est pas le cas. Et comment d'abord on détermine le niveau zéro avec ces marées-là ? Avant qu'il soit déterminé, il est pris conventionnellement. Conventionnellement, on prend la moyenne de marégraphe. Et donc, conventionnellement, il a été pris au nord. Donc, un marégraphe détermine quoi ? La hauteur de la marée ? La hauteur de la marée. Donc, on prend la moyenne entre la pleine mer et la basse mer. On fait la moyenne sur le long terme. OK, on arrive à... La moyenne, c'est le niveau zéro. C'est le niveau zéro. D'accord. Et si on prend des références qui sont finalement... à des altitudes différentes, eh bien on va retrouver le problème de l'altitude. Oui, mais alors, revenons à notre océan dont le niveau zéro n'est pas le même suivant que je suis dans les mers Baltiques ou ailleurs. Comment ça se fait ? Il y a des densités différentes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? La concentration en sel n'est pas la même. Donc, en fait, la surface de l'océan au repos, c'est ce qui définit l'horizontale zéro. Et donc, vous imaginez l'océan, s'il n'y avait aucun courant, s'il n'y avait pas ces fameuses marées, eh bien, il prendrait une surface qui serait une surface d'équilibre, c'est-à-dire que si vous mettez une bille dessus, elle ne bouge pas, est à l'équilibre. Avant d'arriver à ce point-là, moi, je voudrais vraiment qu'on revienne à ce qu'on en a dit, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'entre deux marégraphes situés à deux endroits différents, on n'aura pas le même niveau. La raison, c'est quoi ? Il y a des différences de densité entre les océans. Oui. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où l'océan il va prendre davantage de volume qu'ailleurs. Précisément pour ça, parce que l'eau des océans est soumise à l'attraction gravitationnelle de la Terre qu'il y a en dessous. Et que comme les masses à l'intérieur de la Terre ne sont pas du tout homogènes, mais on a des zones plus denses, on a des zones moins denses, l'eau va se mettre en équilibre de manière différente suivant les lieux. Et donc un niveau zéro à Marseille ne sera pas à la même hauteur qu'un niveau zéro au Danemark, par exemple. Donc c'est là où vous avez utilisé le mot gravitationnel. Vous l'utilisez aussi, Richard Biancal, en expliquant ça. Si on a des différences de niveau zéro, c'est à cause des masses qui sont sous l'eau à ces différents endroits et elles attirent l'eau d'une manière différente à un endroit et à un autre, c'est ça ? Oui, alors là, on utilise dans notre jargon une formule un peu différente. On parle d'équipotentiel de pesanteur, mais c'est beaucoup plus figuratif ce qui était utilisé dans le temps. Il parlait de figure d'équilibre de la Terre. Et on comprend bien qu'on cherche un équilibre sur l'ensemble de la Terre pour que ce qui a été raconté dans l'encyclopédie d'Alembert, par exemple, pour que chaque goutte d'eau ne coule ni d'un côté ni d'un autre. Elle est vraiment en équilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre pont, là ? Si chacun construit de son côté, à la fin, on ne se retrouve pas à la même altitude. Entre l'Allemagne et la Suisse, on arriverait à quelle différence de hauteur ? Entre 20 et 30. 20 et 30 quoi ? Centimètres. D'accord. C'est des centimètres, quand même. En fait, ce qui est difficile, c'est de trouver ce niveau d'équilibre. Ça peut réagir à 20-30 cm quand même. Comment ? Ah oui, pour un pont, ça peut être gênant, dit madame, oui, effectivement. Mais entre la France et la Belgique, c'est 1m70. 1m70, c'est largement pire. On n'a pas du tout le même niveau zéro, alors. Parce que ce qui est difficile, c'est à partir d'une mesure de niveau de mer, d'arriver vraiment à cette surface d'équilibre, parce que la mer est quand même affectée de courant, et si on fait une moyenne sur une certaine période, on va pas être sûr d'arriver à la surface d'équilibre sans courant ni marée, ce qui fait qu'en pratique, quand on détermine des niveaux moyens de référence à des endroits différents, en théorie, ça devrait être la même surface d'équilibre. En pratique, ça ne l'est pas. Et donc, lorsque des pays différents construisent leurs altitudes par rapport à chacun un point qui, en fin de compte, ne se réfère pas à la même altitude zéro, on récupère ces décalages qui peuvent être en effet désymétriques entre différents pays. Et donc l'image qu'on se fait de la Terre comme une espèce de boule de billard parfaite, simplement aplatie un peu au pôle, avec les océans qui forment une espèce de dôme, si je puis dire, parfait, c'est faux alors ? Oui, si vous voulez, c'est faux. Ce que je veux dire, c'est que les océans ne sont jamais au repos, donc le niveau zéro, on ne l'atteint jamais, on ne l'atteint que par des moyennes. Et on fait des erreurs dans ces moyennes, évidemment, d'autant plus qu'il existe des courants qui font qu'on n'arrive pas à cette figure d'équilibre. Et donc, le meilleur moyen, finalement, d'avoir la figure d'équilibre, c'est de prendre du recul. Et de l'observer par les satellites. Et c'est ce qui se passe depuis une quarantaine d'années, grâce aux satellites géodésiques, qui ont vraiment révolutionné la géodésie, dans la mesure où ce qu'on connaissait il y a 40 ans de la forme de la Terre sous sa forme gravitationnelle, ou moi je dis gravifique, c'était complètement erroné, avec des erreurs de 100%. Et qu'en 40 ans, on est arrivé à préciser cette forme, alors suivant les échelles, entre le millimètre et quelques centimètres. Parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'une des raisons pour lesquelles l'eau ne se retrouve finalement pas exactement au même niveau à un endroit et à un autre de la Terre, c'est à cause, comme vous le disiez Isabelle Panet, de cette force gravitationnelle qui donc est celle de la Terre. Donc la Terre, évidemment, attire l'eau par une attraction gravitationnelle. Et ce qui se passe, et c'est ça qu'il faut commencer à se mettre dans l'idée à ce point-ci de notre débat, c'est que l'attraction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur l'eau n'est pas la même aux différents endroits du globe. Absolument. Par exemple, si vous avez un mont sous-marin qui n'affleure pas à la surface des océans, mais un mont sous-marin, vous avez un excès de masse. Masse qui est responsable de la force d'attraction. Si vous avez un excès de masse, vous avez un excès d'attraction et vous allez avoir une bosse dans le niveau des océans au-dessus. Ouais. À beaucoup plus grande échelle que celle du mont sous-marin, l'intérieur de la Terre donc n'est pas homogène et pour exactement le même genre de raison, on va avoir des bosses et des creux à plus grande échelle spatiale. D'accord. Alors si on prend un satellite qui est en train de tourner, on va prendre un autre exemple, on a pris l'exemple de la mer qui a tiré plus ou moins, mais c'est la même chose pour un satellite qui est en train de tourner, on imagine là aussi qu'il réalise soit un cercle parfait, soit une ellipse parfaite autour de la Terre. Alors oui, effectivement, Kepler nous a enseigné que les satellites suivent des ellipses, Et Newton a expliqué pourquoi, donc au XVIIe siècle, mais quelle était la raison de ces ellipses. C'est la force d'attraction gravitationnelle. Et plus tard encore, d'autres scientifiques comme Lagrange nous ont, eux, enseigné que ces ellipses se déforment. Alors imaginons que ce soit des cercles parfaits, parce que le fait que ce soit des ellipses, pour nous, c'est pas... Le cercle parfait, c'est arrondissons l'ellipse à un cercle, mais ce cercle va se trouver perturbé par la différence de distribution de densité de la Terre, donc de l'attraction gravitationnelle, finalement, qui partout est différente. Et d'ailleurs, quand on est sur la Terre ou sur les océans, mettons-nous au niveau des géoïdes, à peu près, on a l'attraction de pesanteur à ce moment-là, est partout différente. Je distingue la gravité de la pesanteur car on est sur une Terre qui est en rotation et donc on subit une force qu'on appellera axifuge à l'équateur alors qu'il n'y en a pas au pôle. Alors, mais reprenons, elle est petite. Reprenons notre satellite. Isabelle Panet, vous vouliez ajouter quelque chose? C'était juste pour ajouter que c'est ce qui avait permis de faire une cartographie des fonds sous-marins à partir de la connaissance de la gravité à la surface, au-dessus des océans. On a pu détecter justement des monts sous-marins qui n'étaient pas, répertoriés avant. On va y revenir. Mais alors, je voudrais qu'on revienne quand même à mon petit satellite là, qui est en train de tourner autour de la Terre. Donc, suivant l'endroit où il se passe, où il passe au-dessus de la Terre, il sera plus ou moins attiré. Hein, et donc, on peut avoir des modifications dans la... vous disiez que... ce cercle allait être perturbé, hein. Ce ne sera pas un cercle parfait, justement. Le satellite, il va bouger, il va monter, il va descendre. De quelle amplitude? Il faut imaginer, en fait, un tore dans lequel le satellite... Un tore, c'est comme un pneu. Hein, voilà. Ça a la forme d'un pneu, mais disons, un cercle. Un certain volume qui suit ce cercle et d'un rayon de l'ordre de 10 km pour des satellites à quelques centaines de kilomètres. Donc un satellite qui est à 800 km d'altitude, par exemple, un satellite d'observation, il peut bouger, il peut monter ou descendre de 5 ou 10 km à cause de l'attraction de la Terre qui n'est pas la même. À cause de ces hétérogénéités d'attraction, effectivement. Hétérogénéité d'attraction, le fait que l'attraction n'est pas homogène. La même. L'attraction n'est pas homogène suivant l'endroit au-dessus duquel je me place. Effectivement. Okay. Donc l'attraction gravitationnelle, elle est due à la masse et aussi à la densité de la masse. Hein. Donc quand les masses sont particulièrement denses, l'attraction gravitationnelle sera plus forte. Donc il y a des endroits, c'est-à-dire que sur la Terre, il y a des endroits où il y a plus de masse. Par exemple, j'imagine une montagne, hein, typiquement. Et c'est pas tout à fait vrai, je sais, mais en première approximation, on peut dire ça. Donc une montagne, elle va peut-être m'attirer davantage. Moi, le satellite qui passe au-dessus. Et puis on peut imaginer que elle est composée de roches extrêmement compactes, elle m'attirera encore plus. On peut dire ça en première approximation, en tout cas. Oui, absolument. Ceci dit, l'exemple de la montagne est tout à fait intéressant parce que c'est un exemple historique, en fait. Si nous revenons, c'est au XVIIIe siècle. Des expéditions ont été lancées pour... XVIIIe. Des expéditions ont été lancées vers l'équateur et vers les pôles pour mesurer la longueur de l'arc de méridien terrestre. Et le point intéressant, c'est que les scientifiques qui étaient partis mesurer vers l'équateur, donc à proximité des Andes, ont observé que le pendule était moins dévié que prévu, justement, par l'attraction gravitationnelle des masses montagneuses. C'est-à-dire que la force était moins forte que prévu. Et c'est une observation qui a été réitérée ensuite par Everest en Inde, qui est allé faire la triangulation des Indes, et qui a observé lui aussi que la déviation de la verticale, enfin de son pendule, était moins attiré par les masses montagneuses de l'Himalaya que ce qui aurait été prévu à partir simplement de la masse de la montagne. Ce qui veut dire qu'en effet, on a un excès de masse topographique, mais au niveau des montagnes, en fait, on a un défaut de masse en dessous. Et c'est pour cette raison-là l'attraction réelle est en fait plus faible que ce qui... Les montagnes sont creuses, c'est ça que vous me dites? Non, les montagnes ne sont pas creuses. Les montagnes ne sont pas creuses. Mais l'intérieur de la Terre est stratifié en fait. Donc on a la couche topographique montagneuse, et puis on a une croûte en fait à la surface de la Terre qui a une densité qui va être plus faible que la couche d'en dessous. La couche d'en dessous qui va s'étendre jusqu'au noyau terrestre à un rayon de 2900 km, donc en profondeur, il faudrait faire le calcul. Et la couche de croûte est en fait plus épaisse au niveau des montagnes. Et ce qui crée un déficit de masse, parce que là où on devrait avoir un matériau beaucoup plus dense, sous la croûte c'est plus dense. Comme la croûte est plus épaisse, ce matériau crustal plus léger vient à la place, là où on attendrait un matériau plus... Enfin, cette croûte plus légère vient à la place dans une zone où on attendrait une densité beaucoup plus élevée. Donc la densité sous les montagnes est plus faible que... Disons que la croûte de la Terre s'épaissit. L'enveloppe superficielle s'épaissit, ce qui crée en fait un déficit de masse, parce que si elle avait l'épaisseur moyenne, on aurait quelque chose de plus dense. Et donc, l'attraction gravitationnelle des montagnes, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Je vois ça. D'accord. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'attraction gravitationnelle de la Terre n'est pas la même à chaque endroit du globe, et c'est peut-être le moment de sauter un pas supplémentaire de nos explications avec ce qu'on appelle le géoïde. Vous avez utilisé le mot là. Donc ça, c'est notre deuxième page, le géoïde. Alors c'est tout à fait étonnant. Moi, je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, Libération avait publié une photo comparable à celle-là en une de son cahier science, car il avait un cahier science à l'époque. Et que c'était tout à fait étonnant, et que le sous-titre c'était « Voilà la forme réelle de la Terre ». Et alors la forme réelle de la Terre, elle est un peu inquiétante parce qu'elle n'est pas du tout ronde. Hein. Le géoïde, là pour le coup, c'est un patatoïde, hein, on peut dire. Qu'est-ce que c'est que cette forme étonnante là? Déjà on la voit très colorée, mais ça c'est pour indiquer les échelles de déformation. Et ce qu'il faut dire, c'est que la Terre, quand on la regarde de loin, et les missions spatiales, et notamment humaines vers la Lune, ont donné des images de la Terre, c'est vraiment une sphère, quand on regarde comme ça à grande échelle. Si on regarde de plus près, on s'aperçoit simplement qu'elle est aplatie. Et c'est d'ailleurs du fait qu'elle tourne. Son rayon équatorial est plus long, de l'ordre de 21 km. Que son rayon polaire. Et dans le passé, les scientifiques ont pris cette forme comme référence pour la Terre, c'est-à-dire un ellipsoïde, hein, une Terre aplatie. Un ellipsoïde, c'est donc, une Terre aplatie. C'est une Terre aplatie. Ouais. Et bien du temps s'est écoulé avant qu'on ne constate que la Terre, par rapport à cet ellipsoïde, elle présente des creux et des bosses, et avec des amplitudes de l'ordre de la centaine de mètres, en plus ou en moins, suivant les régions. Et donc on a des régions assez remarquables, par exemple au sud de l'Inde, où on a ce qu'on appellera une fosse. Alors là, il faut expliquer quand même que le géoïde, c'est la Terre gravitationnelle. On est d'accord. Alors c'est bien cette surface d'équilibre. C'est la surface d'équilibre. Alors, normalement, les gouttes d'eau ne devraient pas s'écouler. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit. On a, par exemple, une zone bleue à droite, là, à l'est de l'Afrique. Ça, c'est un endroit où la force gravitationnelle de la Terre est faible. Et à l'inverse, la zone rouge, là, qui est dans l'océan Atlantique, c'est un endroit où la force gravitationnelle est plus forte. Et donc, on a représenté ça par des bosses et des creux. Hein, voilà. Là où la force gravitationnelle est moins forte, c'est un creux. Voilà. Bon, est-ce que vous voulez commenter un peu ce géoïde, alors, du coup quand on parle de figure d'équilibre, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est le niveau horizontal, qui varie donc de plus ou moins 100 mètres. Et en effet, il y a ce creux qui fait environ 90 mètres dans l'océan Indien et qui reflète de la structure très profonde. À la surface de la Terre, donc il y a des plaques, Il y a de la croûte qui est créée au milieu des océans, et puis il y a un effet tapis roulant, et ensuite les plaques replongent, et elles vont plonger profond à l'intérieur de la planète. Certaines descendent jusqu'à cette zone qu'on appelle le noyau, qui est la partie centrale, d'autres vont s'arrêter avant. Et ça crée certaines des très grandes échelles qu'on observe, les grands négatifs, il y a toute une zone de grands négatifs autour de l'océan Pacifique. C'est ce qui est très bleu, hein, les grands négatifs. Au niveau de l'Atlantique, ça va être des remontées. Là où c'est rouge, plutôt, voilà, c'est ça. Ouais. C'est rouge, ouais. Des remontées denses à l'intérieur de la Terre qui vont créer cette bosse. D'accord, ce sont des remontées de matière depuis les profondeurs de la Terre. Voilà. Et ça, donc, ça crée davantage de matière, davantage de densité, et donc une force gravitationnelle qui est un petit peu plus forte. Ok. Alors, il faut dire une chose quand même, c'est que la différence entre le point le plus rouge et le point le plus bleu, c'est 100 mètres. 200 mètres. Donc, c'est très faible. Donc, il faut bien comprendre aussi que là, si notre sphère est très déformée, c'est parce qu'on a augmenté artificiellement les différences pour qu'elles soient visibles sur une image. Oui, et on a même enlevé l'aplatissement, qui est de 21 km, sinon on ne verrait pas ces différences. Ok. Alors, j'aimerais qu'on comprenne maintenant ce géoïde. On a compris que c'était la forme gravitationnelle de la Terre. Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, je prenais... imaginons que tout ça, ce soit solide, que ce géoïde soit purement solide, qu'il n'y ait pas d'eau à sa surface. On voit bien qu'il y a des hauts de plus haut de 100 mètres et puis des bas qui sont en dessous, quoi, de moins 100 mètres environ. Si je prends une bille et que je la mets en haut de la zone rouge, par exemple, est-ce qu'elle va rouler vers du bleu ? Eh bien non. C'est la surface d'équilibre. Voilà, justement, c'est ça qu'il faut comprendre avec ce dessin. C'est assez contre-intuitif, en effet, mais elle resterait en place. Voilà, elle resterait en place. Parce que cette forme-là, c'est la forme d'équilibre, c'est-à-dire c'est l'endroit où la force gravitationnelle est la même absolument partout. Hein, on est d'accord ? Pas la force. D'accord. Non. L'attraction, non, je ne sais pas. Non, non, alors ça peut être une confusion. Ouais. Mais la gravité est partout différente sur le géoïde. La gravité, c'est la variation de l'énergie. Et notamment selon la verticale. Ce qui est identique, c'est l'énergie gravitationnelle. L'énergie gravitationnelle, voilà. Oui. Et donc, pour calculer la gravité, il faut regarder ces lignes, on va le dire, d'isoénergie. Alors, ces lignes d'isoénergie, il y en a une qui est le niveau zéro. On peut tracer... Isoénergie, c'est-à-dire les endroits où l'énergie... Où l'énergie gravitationnelle est identique. C'est le géoïde. On peut tracer cette même surface au niveau 1 mètre, au niveau 2 mètres, etc. Et quand on regarde, selon la verticale, le rapprochement de ces surfaces, on s'aperçoit qu'il n'est pas constant. Et c'est cette différence, justement... d'altitude entre les surfaces, entre le 0 mètre et le 1 mètre, qui va donner l'attraction gravitationnelle, et qui est partout différente, parce que ces surfaces ne sont pas parallèles. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi pour comprendre, c'est que si un océan, s'il y avait beaucoup plus d'eau à la surface de la Terre, et que l'océan couvrait entièrement la Terre, qu'il n'y ait pas de surface émergée, eh bien, l'océan, il aurait cette forme-là. Il aurait cette forme-là. Il n'aurait pas cette forme parfaite qu'on lui imagine, parfaitement circulaire, si je puis dire, mais il aurait cette forme-là un peu bosselée, précisément parce qu'en dessous, la Terre, elle a des différences de gravitation, si je puis dire. Voilà. Alors, c'est pour ça aussi qu'il est intéressant et même fondamental pour certaines sciences de connaître cette surface pour mesurer les altitudes, car toute la science océanographique repose sur la connaissance de l'altitude de l'océan, et donc qui entraîne des déformations horizontales, c'est-à-dire les courants et autres phénomènes. Donc là, d'une certaine façon, ce serait d'une certaine manière le zéro là, c'est le zéro, comme sur les continents, où sont les continents, c'est aussi le zéro des océans. Ouais, le géoïde, c'est le zéro des océans. Et si on rejoint en fait, les sciences océanographiques et notamment les techniques altimétriques pour déterminer les surfaces océaniques et les courants, eh bien, ces techniques servent à mesurer la différence entre le niveau zéro et la surface réelle de l'océan. Mmh. Ça peut se comprendre qu'on puisse étudier les courants océaniques à partir de la différence de hauteur par rapport au géoïde, puisque le géoïde, c'est la surface en supposant qu'il n'y a pas de courant, précisément. Le géoïde, c'est la surface en supposant, ce serait la surface de l'eau s'il n'y avait pas de courant. Donc, ouais. La différence avec les courants va nous permettre de les quantifier, en fait. Bon, j'espère que ça clarifie un peu les choses pour vous. En tout cas, il y en a un que ça a inspiré. Ma copine Isabelle, elle est super belle. Sa peau est lisse et claire comme l'eau de la mer. Ses dents le même blanc que l'écume de l'océan. Et sa silhouette du tonnerre, la grâce de la planète Terre. Le compliment lui a pas été. Elle m'a dit la mer est plissée. Les océans sont pollués et la terre. Patatoïde, elle ressemble à une vieille pomme pourrie. La terre est patatoïde, elle ressemble à une pomme de terre oubliée dans une cave humide. La terre est patatoïde, elle ressemble à une vieille pomme moisie au milieu du vide. J'ai compris la leçon, même si ça me fait souffrir à mort. Faut que je remette à niveau la pertinence de mes métaphores. Mais Isabelle ne tarde pas trop à m'aimer. La jeunesse est fugace et la rose va se faner. Laisse tomber les bouquins, dis bonjour à la vie, car la terre elle aussi, elle a été jolie. Et maintenant la terre est patatoïde, elle ressemble à une pomme de terre pourrie dans une cave humide. La terre patatoïde, elle ressemble à une vieille pomme pourrie au milieu du vide, au milieu du vide. Bravo Michel. C'est plus que de l'inspiration, là. C'était une déclaration. Moi, j'ai même cru sentir ça. Et je vois qu'avec notre géoïde, on a détruit la belle image de la Terre. Alors, j'ai encore des questionnements, parce que ce serait intéressant de voir justement à quoi ça sert, etc. Mais peut-être qu'à ce point-là de notre débat, vous avez des questions, des interrogations, ou puis des choses à apporter. Avant l'ère de l'observation spatiale, est-ce qu'on avait déjà conscience de la forme du géoïde ou une vague idée, ou est-ce qu'on était complètement dans le flou ? À la fin du XVIIIe siècle, effectivement, Buffon avait cette idée que la Terre ne pouvait pas, de par sa conception, sa formation, être une surface lisse d'un point de vue figure de la Terre. Mais il n'avait aucun moyen de le mesurer ou de le vérifier. Les premières vérifications, les premiers modèles de géoïdes qui montraient autre chose qu'une patate aplatie dans une cave humide. Au milieu du vide. Ces premières observations ont été faites à la fin du 19e, au début du 20e. Et la première image du géoïde qu'on a pu avoir émane de 1948, donc pré-ère spatiale. Mais comme je disais tout à l'heure, cette image, quand on la compare à ce qu'on connaît aujourd'hui, elle était fausse à 100%. Donc là où il y avait des creux, alors c'est pas pour ça qu'il y avait des bosses, mais le creux était décalé de 1500 km, sa profondeur était le tiers de ce qu'elle est aujourd'hui, connue. Et c'est vraiment l'ère spatiale et les satellites qui ont permis de découvrir et de dévoiler cette forme gravitationnelle. Qu'on ne connaissait donc pas il y a 50 ans. Ah, qu'on ne connaissait pas il y a 50 ans. D'accord. Est-ce que, par exemple, entre une mer qui est en plein été, qui est à 25 degrés, ou une qui est à 3 ou 2, il y a quand même une expansion du volume. Est-ce que ça joue ? Ça joue, en effet, sur le niveau de la mer, mais pas sur le géoïde, parce qu'il n'y a pas de masse, déplacée, en fait. Donc, quand on étudie le niveau de la mer, d'ailleurs, il varie d'une part en raison de ses effets de dilatation et d'autre part en raison des effets de masse. Et le géoïde va traduire la partie massique. Alors, si on veut même pousser à l'extrême, regardons la banquise. La banquise, c'est de l'eau qui flotte. Elle ne change pas le géoïde. C'est de l'eau gelée. Et quand la banquise fond, le géoïde ne change pas, sauf si, effectivement, par une répartition ensuite de l'eau et des courants d'entraînement, on va dire, la masse va ailleurs. Mais le fait qu'il y ait de la banquise ou pas, donc que l'eau soit gelée, qu'elle ait soit dilatée différemment selon sa température, ne change pas le géoïde. Donc une eau plus chaude a un volume, la même quantité d'eau plus chaude prend un volume plus important. Et il y a le même phénomène avec les eaux salées, je crois. Une eau très salée, elle a un volume moins important, c'est ça? Plus dense. La salinité change la densité. Donc comme elle change la densité et la masse de la colonne d'eau, elle va avoir un effet sur le géoïde. C'est pour ça que quand on étudie simultanément le géoïde et la hauteur d'eau, on va pouvoir distinguer entre ce qui revient de la dilatation et ce qui revient du transfert de masse. J'ai trois questions. Je voulais savoir s'il y avait des côtes en mer, en fait, si je pense aux marins du Vendée Globe, s'il y a des masses très importantes et donc une attraction forte, est-ce qu'il y a une côte, est-ce qu'on grimpe des côtes en voilier ou pas? Deuxièmement, je voulais savoir s'il y avait si vous avez catégorié des grandes périodes historiques de la forme de la Terre à travers le volcanisme, je connais pas du tout ces périodes-là, si elles ont des noms, lesquelles. Et troisièmement, à quoi ça sert en fait? Fondamentalement. Alors d'abord, est-ce qu'il y a des côtes en mer? Alors les côtes, ça va être les courants en fait. Puisque le niveau de la mer, bah, ça va être le géoïde, ce niveau moyen. Mais comme c'est une surface d'altitude constante, bah, il n'y a pas de côte. Non, les voiliers n'ont pas à gravir de côte. Voilà. S'il y a un courant permanent comme le Gulf Stream, là oui, on va sentir une côte. Bon, pas énorme, hein. Ils sont à lutter contre les courants. Voilà, mais... Je dis, les voiliers n'ont pas à gravir de côte, ils ont seulement à lutter contre les courants, voilà. Qu'ils soient de marée ou autre. Ok, donc ça c'était la première question. La dernière c'était à quoi ça sert, on la garde pour la fin. Voilà. Et la seconde? Les périodes, les grandes périodes au cours de l'histoire de la Terre depuis... Il y a du Crétacé, il y a du Jurassique, etc., dans l'histoire des espèces, etc., et de la Terre en particulier. Mais dans les formes de la Terre, est-ce qu'on a réussi à distinguer différentes périodes dans la forme de la Terre? Vis-à-vis du géoïde, comme on ne le connaissait pas il y a 50 ans, c'est difficile de connaître bien avant encore. On ne peut pas revenir au géoïde passé, hein, Rachard Biancal ou Isabelle Panet. Ceci dit, vous avez mentionné la dérive des continents tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a eu des époques où il y avait un super continent, et où les continents, bah, ils se rassemblent, ou ils se dispersent, ils se séparent, et ça se fait sur des échelles de temps qui sont extrêmement longues, et ces mouvements très très, bah, très, très longs, s'accompagne donc de changements de topographie, bien sûr, et puis bah, d'un changement de géoïde, en effet, à l'échelle des temps géologiques. On n'a pas été capable de déterminer des grandes périodes, hein, parce qu'on connaît difficilement le géoïde passé, finalement. Ah oui, tout est perdu, hein, parce que la Terre, elle recycle son propre matériau, etc. En fait, on peut difficilement remonter très très long dans le temps en arrière parce que ça impliquerait de connaître les mouvements convectifs à l'intérieur de la Terre, mais remonter il y a 200 millions d'années et ça c'est assez délicat. En revanche, on a en effet une idée des cycles, rassemblement, dispersion des continents. Bon, la réponse est non. Et alors, à quoi ça sert, effectivement? Alors là, on peut entrer dans cette partie applicative. Ça sert à faire des ponts, hein, entre la Suisse et l'Allemagne, quand même. Ça sert à faire des ponts qui se rejoignent. Ça sert à connaître... Oui, parce qu'on a un zéro, tout le monde s'est mis d'accord sur le zéro. Mais c'était... Donc ça veut dire qu'on s'est tous mis d'accord sur un zéro commun il y a 50 ans? Non, pas il y a 50 ans. Depuis qu'on connaît le géoïde. Une mission est partie en 2009, qu'on appelle GOES, dont un objectif... GOCE, qui est un européen, satellite européen. De l'Agence spatiale européenne, et dont l'objectif était d'uniformiser la référence des altitudes. Ah, c'est pas encore fait. c'est l'uniformisation viendra par la réalisation de ce modèle de géoïde issu de ces données de ce satellite. Excusez-moi, ça veut dire que c'est pas complètement fait? On a déjà les résultats de cette mission. La mission n'est pas terminée. Oui. Mais avant qu'elle soit lancée, il y avait un géoïde quand même. Moi, je l'ai vu dans Libération il y a 15 ans, le géoïde. Oui, mais bien sûr. Mais après, c'était vraiment un objectif de mission. Et c'est un objectif de mission. Mais les services géographiques des différents pays ne se sont pas forcément unifiés pour prendre une référence unique comme référence d'altitude. D'accord. Alors, donc, ça sert à faire des ponts qui se rejoignent. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? On en a parlé pour les océans. Mesurer l'altitude de l'océan, c'est avoir une information sur les courants et d'autres phénomènes qui ont lieu dans les océans. Mais on a généré nous-mêmes, par la géologie spatiale, un besoin supplémentaire qui est que pour observer la Terre, il faut savoir d'où on l'observe. Et donc, pour observer la Terre, il faut savoir d'où on l'observe. Pour observer la Terre, il faut savoir d'où on l'observe. Et là, vous parlez d'observation satellitaire. Et donc, d'observation satellitaire. Et donc, il faut positionner le satellite aux endroits de son orbite à chaque fois qu'il fait une mesure. Positionner, ça veut dire connaître sa position. Il faut qu'il connaisse sa position avec une grande précision. Mais sa position, elle dépend justement de l'attraction que la Terre exerce sur lui. Exactement. Donc là, c'est le serpent qui se mord la queue. Exactement. Donc elle dépend de ce géoïde. Ouais. Et donc, calculer le géoïde, c'est préciser justement les positions des satellites qui sont en orbite autour de la Terre. Quand on connaît le géoïde, qui est une sorte de point zéro, ça permet de connaître la position précise d'un satellite. Et ça, la position d'un satellite, on peut la connaître avec quelle précision? Donc tout dépend des satellites. Les missions géodésiques qui sont suivies par des systèmes précis donnent en général le centimètre comme position de satellite. Mais on a d'autres missions, dont on pourra parler tout à l'heure, la mission GRACE, où là on positionne... GRACE, c'est un américain, GRACE. Donc qui sont formés par deux satellites qui se suivent à 220 km de distance en moyenne. Et le système de mesure entre ces deux satellites est précis au micromètre. Au micromètre, au micron, c'est-à-dire au millionième de mètre. Millionième de mètre. Ah oui, là c'est pas mal. D'autres applications, on se demandait à quoi ça servait, Isabelle Panet? Juste comme on parle de forme géométrique et de forme gravitationnelle, en fait, quand on utilise les deux, quand on compare les deux, on va pouvoir étudier également l'intérieur de la Terre. On va pouvoir étudier l'intérieur de la Terre en comparant la forme gravitationnelle ou gravifique, comme dirait Charles Biancal, et la forme géométrique. Quelle est la hauteur de géoïde pour une hauteur topographique? Donc je vous donnais tout à l'heure l'exemple des montagnes où on a une enveloppe superficielle, une croûte superficielle qui s'épaissit, ce qui crée un défaut de masse en dessous. Et donc, à partir du rapport entre l'attraction gravitationnelle qui a diminué et la hauteur de topographie, on a une idée du défaut de masse. Et ça peut être généralisé et renseigné sur tout un tas de structures, en fait, à l'intérieur de la Terre. Il y a peut-être que c'est le moment d'utiliser, dites-moi si je me trompe, d'utiliser la troisième image, qui s'appelle dynamique terrestre. La troisième image, dynamique terrestre. Donc ça, c'est une image qui illustre le fait que cette forme géométrique et gravitationnelle vont évoluer au cours du temps en raison de tout un tas de processus, parce que la Terre est une planète vivante, en fait. Et on est capable de mesurer les variations au cours du temps du géoïde qui vont être liées à... un grand nombre de déplacements de masse, des déplacements de masse au sein du système Terre, depuis la surface jusqu'à l'intérieur très profond, et de nature très diverse. Alors par exemple, donne-nous des exemples, on va détailler un peu là. Prenons chaque item. Lorsque la glace polaire fond, donc on a de la masse qui va se déplacer de la calotte polaire vers les zones océaniques, et on a une diminution de masse donc au niveau de la calotte polaire, et le géoïde va légèrement s'abaisser. C'est ça. Alors, vas-y, continuons. On a parlé tout à l'heure donc de déformations visqueuses de la Terre en réponse à la déglaciation, à la dernière ère glaciaire. Ben, ça induit également des changements du géoïde au cours du temps, qui vont être au maximum 1 à 2 mm par an. Lorsque l'eau se déplace entre l'atmosphère, les réservoirs hydrologiques continentaux, les océans et donc ces calottes polaires, ça induit des transferts de masse, et comme le champ c'est la masse, ça induit des variations du géoïde qui vont être assez petites, mais qu'on arrive à mesurer maintenant. On arrive à mesurer ça, c'est-à-dire le fait que dans un océan, à un moment donné, on a de l'eau qui chauffe et qui donc part sous forme de nuage. Je vous ai bien suivi. Hein. La dilatation n'induit pas de changement du géoïde. Oui. Mais si on a de la masse qui est évaporée... On a de la masse en moins, là, si on a l'évaporation. Je vous ai bien suivi, non? Non, je parle plutôt de la masse qui arrive, si on a de l'eau qui arrive des continents, d'accord, en fait. D'accord. Et donc, si on a de l'eau qui arrive d'une calotte qui fond, on va avoir un apport de masse. Ouais. Et cet apport de masse-là, vous êtes capable de le suivre, de l'observer? Alors, justement, le géoïde, il bouge, mais il ne bouge pas beaucoup, c'est des millimètres, hein, et à peine. Et donc, c'est pour ça qu'il faut des missions très précises. Des millimètres en altitude. Oui. Il faut des missions qui aient des précisions meilleures que le millimètre. Donc la seule mission actuelle qui nous permet de suivre ces variations submillimétriques, on dira, c'est cette mission Grèce, parce qu'elle a une précision micrométrique. Ah, Grèce, oui. Voilà. Américano-germanique. Germanique, oui. Là, on suit les variations au cours du temps, principalement donc du géoïde, et en image, le fait que l'hiver, il y ait plus d'eau, l'été, il y en ait moins. Ça induit des variations saisonnières du contenu en eau des sols et des sous-sols. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à voir le contenu intégré en eau, toute l'eau, y compris en profondeur. On arrive à déterminer la quantité d'eau en profondeur, c'est ça que vous êtes en train de me dire? La quantité totale d'eau. Quantité totale, oui. Qui va être présente au niveau d'un bassin. Alors, à des résolutions spatiales qui vont être de l'ordre de 400-500 km, c'est encore à des échelles moyennes, mais on peut suivre les variations donc de hauteur d'eau intégrée la manière dont des épisodes tels que sécheresse ou inondation peuvent se manifester quand ils sont à grande échelle. On a pu mettre en évidence en Inde une déplétion en eau. Déplétion. Un effet de pompage des nappes à très grande échelle. Entre les années de 2002-2008, la masse diminue. D'accord, et ça on peut le voir. On peut voir ces phénomènes qui concernent l'eau dans les profondeurs du sol. Si c'est à suffisamment grande échelle spatiale, voilà. Il faut que ce soit de grande importance. Oui, je comprends. Incroyable. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que la gravité est toujours un mystère. L'action de la gravité ne subit pas d'obstacle. Donc quand on observe un mouvement d'un satellite, c'est lié à la déformation de la Terre, quelle que soit sa profondeur, jusqu'au centre. Et quand on regarde, par exemple, ou qu'on cherche des mouvements d'eau... C'est-à-dire, vous dites la déformation, je veux dire la déformation du géoïde, c'est-à-dire la quantité de matière que j'ai sous mes pieds jusqu'au centre. Voilà. Ouais. Et donc, quand on transcrit cette perturbation d'un satellite en termes de variation de hauteur d'eau, on ne sait pas où a lieu cette déformation de hauteur d'eau. Elle peut être en surface ou en profondeur. D'accord. Et donc, c'est une des rares techniques qui va donner des informations sur les variations des nappes phréatiques, par exemple, de l'eau en profondeur, si on arrive à décorréler, c'est-à-dire à dissocier des variations de surface qu'on peut voir par d'autres moyens optiques, notamment. Ah oui, d'accord. Donc, je vois mon satellite qui bouge en hauteur, il commence à plonger vers le sol, ou au contraire, il part vers l'espace. Vous êtes capable d'expliquer cela et de dire, ça c'est dû au fait que là on a eu un gros apport d'eau, ou que là on a eu une sécheresse et que par conséquent la nappe phréatique est en train de se vider. Vous êtes capable de revenir à ces sources-là, à dire... C'est pour ça qu'on a des exemples, comme dans la vallée du Gange, où on voit un affaissement passe par le pompage de la nappe phréatique. Donc après, il y a les processus vont se dérouler à des échelles de temps et d'espace qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, si on a un tremblement de terre, on sait que c'est à tel endroit, à tel instant, et les masses vont se déplacer. Et ça a été, pour les très très grands, le tremblement de terre de Sumatra de décembre 2004 a causé une variation du géoïde un petit peu inférieure au centimètre sur la zone affectée qui a pu être détectée. Et dans les années qui ont suivi, la terre s'est déformée de manière visqueuse et induisant des variations de quelques millimètres du géoïde au niveau de la zone de faille, en fait, et ça a pu être suivi. On peut suivre sur le temps les conséquences d'un tremblement de terre. Quand il est suffisamment gros, pour un très gros, ça a pu être observé. Et c'est une observation qui est très intéressante parce que ces tremblements de terre, donc c'est produit en mer. Il y a beaucoup de séismes très violents qui se produisent en mer, et donc c'est-à-dire que l'épicentre est sous l'eau, donc c'est difficile d'avoir beaucoup de mesures de surface au-dessus de l'épicentre. On ne peut pas mettre une petite balise GPS Sur l'île la plus proche, en fait, sur la terre émergée la plus proche, alors qu'une mesure satellitaire de variation du géoïde va couvrir cette zone-là. Et va apporter un complément d'information très utile. Monsieur. Petite question justement liée au séisme. Là, si vous avez bien compris, on observe la conséquence du séisme, donc la conséquence de la rupture, le mouvement de la faille. Hein, mais évidemment, ça entraîne forcément des déplacements et donc visibles par le géoïde, j'ai bien compris. Mais on sait qu'un séisme, fondamentalement, tremblement de terre, c'est une accumulation dans le temps de déformations du sol, forcément associées, liées aux contraintes complexes du champ tectonique. Et donc, est-ce que ces mouvements, avant le tremblement de terre, on peut les observer? Puisqu'on a un exemple classique, au début du XXe siècle, le tremblement de terre de San Francisco 909, justement, les premiers sismologues ont observé les déformations de part et d'autre de la faille de San Andreas, ont mesuré en surface, et puis ils ont vu l'accumulation de contraintes et après le séisme. Alors c'est vrai que pour l'instant, l'accumulation de contraintes pré-sismiques peut pas être observée, en tout cas en géoïde. On ne voit pas. On peut l'imaginer un jour ou pas? Parce que ça permettrait de prédire les tremblements de terre, peut-être, je sais pas. Richard Biancal. Donc, la déformation du géoïde est liée au transfert de masse, donc au déplacement de masse. Si ces contraintes sont liées à un léger déplacement de masse, un jour, oui. Mais un jour, on le verra, c'est ça que vous dites. Pas avec nos précisions actuelles. Capteurs actuels. Il faut déjà le micron pour voir des séismes de magnitude de 8 à 9. Ah oui. Il faut le micron de précision pour voir des séismes de 8 à 9. Qui ont eu lieu. Voilà, hein, qui ont c'est eu pas lieu. Juste. Donc même des petits séismes ne sont pas vus aujourd'hui par cette technique. C'est fou ça. Monsieur. On a parlé beaucoup de satellites géodésiques à défilement. Je voudrais savoir si en fait les satellites géostationnaires peuvent apporter une condition. Comme l'action de la gravitation décroît en raison inverse du carré de la distance, plus on est loin, moins on est sensible. Et c'est pour ça que le satellite GOES, dont on a parlé tout à l'heure de l'Agence spatiale européenne, est un des satellites qui est le plus bas dans toute la panoplie des satellites. Il orbite à moins de 250 km aujourd'hui, 50 km d'altitude aujourd'hui. Un autre exemple, les satellites Grèce sont à 450 km. Les anciens satellites géodésiques, qui ont d'ailleurs été pour certains lancés par le CNES, sont autour de 800 km. Ça s'appelait comment, rappelez-nous ? Donc ces satellites géodésiques lancés par le CNES dans les années 60, 75 pour le premier Starlet. Et 93 pour le second qui s'appelle toujours Stella. Parce que ce sont des satellites qui sont suivis par moyen optique, laser. Et donc, on peut suivre pendant très longtemps la durée de vie de ces satellites. Ah, ils sont passifs, ils sont passifs. Ils sont passifs. Donc, ils ne font que renvoyer de la lumière. Ils font renvoyer de la lumière, c'est-à-dire qu'on tire un petit faisceau laser. Tant que les miroirs ne s'obscurcissent pas, et ils ont peu de raisons de s'obscurcir dans l'espace, sauf à recevoir des micro-météorites, eh bien, on peut les suivre pendant longtemps. Et la durée de vie estimée à 800 km, c'est de l'ordre de entre 2000 et 20 000 ans. Ah oui, donc, on a de la marge devant nous. On a de la marge, ok. Mais là, donc, il n'y a rien à bord, il n'y a pas de charge utile scientifique. Hein. Ce sont des miroirs, en fait, qu'on envoie en orbite, et puis de temps en temps, on tire un faisceau laser. Exactement, donc ce sont des satellites passifs, mais on peut toujours dire qu'ils sont actifs, puisqu'on continue à tirer dessus. Le CNES a inventé les satellites passifs actifs. Bravo. Et donc, oui, on n'a pas. Donc, les satellites géostationnaires, il faut expliquer qu'eux, ils sont à 36 000 km. À 36 000 km. Ils sont très peu sensibles au champ de gravité. Ils voient l'aplatissement de la Terre, mais pas beaucoup plus loin. Un jour, un satellite géodésique, attiré par une masse énigmatique, montra l'univers à vide, les ruines de l'Atlantide. Puissant tremblement de terre, suivi de tsunamis et d'éclairs, avait détruit comme un cochon la plus évoluée des civilisations. C'était tout à fait étonnant. Des bâtiments cristal blanc, des fusées couvertes d'algues phosphorescentes et de vieux satellites rouillants. Merci Michel. Bon, on s'oriente vers la fin de notre soirée. C'est le moment, hein, si vous avez encore quelques interrogations, avis à partager, informations, de prendre la parole. Et puis... d'en discuter avec nos intervenants qui voudraient s'exprimer. Ah, monsieur, je vous en prie, bien sûr. Excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard, j'ai manqué malheureusement le début, mais j'ai une question un peu basique, mais voilà, je pense aux marées, quoi. L'influence des astres extérieurs. Alors là, excusez-nous, là, vous avez sorti le mot qui fâche. On va vous écouter jusqu'à la fin, mais c'est parce qu'on est sympa. Hein. Le mot qui fâche, je veux dire. parce que apparemment je vous ai pas entendu prononcer ce mot, mais marée, c'est des transferts de masse, donc et puis marée des mers, mais puis marée terrestre. Voilà, moi ce qui m'interpelle aussi c'est marée terrestre, parce que je suis géologue aussi, et puis c'est des phénomènes. Alors les transferts de masse, hein, et donc c'est en plus c'est permanent. Donc, le géoïde, ça devrait l'affecter en permanence, quoi. Ça crée des ondes. Et donc, question pratique, comment on détecte, on mesure, et puis quelle amplitude, la variation d'amplitude qu'on peut observer, on peut surveiller, et puis les longueurs d'onde, quoi. Voilà, toutes ces questions. Voilà, excusez-moi, ces questions qui fâchent. Sur le géoïde, sur le champ, en effet, c'est une source de variation temporelle d'amplitude largement supérieure à celle dont on discutait. Et c'est la première source de variation temporelle. Donc il existe des modèles. Et c'est vrai que pour accéder aux variations d'hydrologie dont on parlait, il faut avoir soustrait ces effets de marée qui vont se produire à des fréquences diurnes et semi-diurnes. Et on peut le décrire différemment. Quand on fait nos calculs d'orbite, pour retrouver cette forme de géoïde, on doit enlever forcément tous les effets qui sont variables et connus. Et le premier effet, c'est les marées. Alors, en amplitude de la surface de la Terre, c'est 30 cm. Mais c'est le premier effet qu'on enlève. Le deuxième effet qu'on enlève, c'est lié aux déformations qui sont produites par les charges. Alors, on a les charges. Les charges, eh bien, quand la Terre a un comportement élastique, Et quand on appuie dessus, pour la relaxation de la fin du Pléistocène dont parlait Isabelle tout à l'heure, là, c'était l'inverse. Donc on enlève une charge, c'est la charge de glace, mais les océans mettent de la charge ou enlèvent de la charge à différents endroits, suivant que la mer est haute ou basse. Et donc il y a un surplus de masse qui appuie sur la croûte ou un manque de masse, et ce qui fait que la croûte va se déformer. Et donc il faut tenir compte de ces déformations. On tient compte également des déformations qui sont générées par l'atmosphère. L'atmosphère est pesante sur nos épaules. On a une masse d'atmosphère qui correspond à peu près à 10 mètres d'eau, si on était sous 10 mètres d'eau. C'est une atmosphère. Et l'atmosphère subit des perturbations, subit également des marées, 0,3 millibars de marée de l'atmosphère. On a des perturbations qui sont bien plus importantes, et ces perturbations vont entraîner également des déformations de la croûte qui est élastique, et là jusqu'au centimètre. Donc il faut également tenir de ces déformations. Une autre déformation dont on tient compte également, c'est ce qu'on appelle une marée, encore une, mais qui est une fausse marée, c'est la marée polaire par exemple. On sait que l'axe de rotation de la Terre ne perce pas la Terre en un point unique. Il n'arrête pas de se déplacer sur les calottes, voilà, dans un rayon d'une dizaine de mètres. Et le fait que cet axe de rotation bouge, eh bien, la Terre va tourner autour d'un axe qui n'est pas toujours le même et va changer sa forme de ce fait. Et donc il faut également tenir compte de ce genre de phénomène qui affecte la croûte, mais qui affecte également les océans. Il existe des marées polaires océaniques. Et donc toutes ces variations qui sont liées à des transferts de masse, finalement, des déformations de la Terre, doivent être prises en compte pour retrouver ce qu'on cherche quand on utilise des mesures qui sont au micron. Car au micron, on voit tout ça. Vous avez besoin de prendre tout ça en compte. Alors, j'avais entendu que, attendez, que je ne vous dise pas une bêtise, il y avait un tremblement de terre important au Japon, je crois que c'était l'année dernière, et il y avait un institut italien géologique qui avait indiqué que l'axe de la Terre avait dû bouger d'environ 10 cm. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Ou 10 cm, l'axe de la Terre. Ah, il se touche le menton, ça y est, je les ai. Bon, je vous laisse réfléchir. Oui, mais 10 cm par rapport à un déplacement de 10 mètres, c'est tous les jours que ça arrive. Donc, effectivement, il y a des déformations et des variations de cet axe de rotation. Alors, sont-ils dus à ce tremblement de terre? Sont-ils dus à d'autres phénomènes? Ce scientifique l'avait attribué au tremblement de terre. Il y avait des commentaires qui disaient qu'effectivement, c'est une modification théorique, oui, mais qu'on n'est pas capable de l'observer. L'axe bouge de plus de 10 cm par jour. L'axe bouge de plus de 10 cm par jour, voilà. D'autres interventions peut-être, monsieur? Sur la planète Mars, on a mesuré les hauteurs des montagnes, des volcans, notamment le mont Olympus, mais à partir de quoi on a défini le niveau zéro? Elle est pas mal celle-là. Le mont Olympus, c'est le plus grand volcan du système solaire. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment des altitudes définies par rapport aux géoïdes martiens. Ah oui. Parce qu'on n'a pas de satellites géodésiques autour de Mars. Nous avons des satellites géodésiques autour de Mars. Pardon. Plusieurs sondes ont été envoyées. Donc ça permet de connaître le géoïde. Il existe un géoïde martien, bien évidemment. Le seul problème, c'est la référence, puisqu'il n'y a pas d'eau. Et donc, où est le niveau zéro? Donc on définit une équipotentielle arbitrairement à un certain endroit. Mais on n'a pas de marégraphe sur Mars pour nous dire où est le niveau zéro. Donc, ils ne savent pas. Non, mais c'est vrai que c'est tout à fait... C'est ça. Ça peut être simplement une hauteur géométrique par rapport à une forme ellipsoïdale moyenne. Ah oui. Et la topographie martienne étant en effet considérablement plus élevée que sur Terre... Le fait d'utiliser une définition comme celle-là de la hauteur plutôt qu'une altitude par rapport à un géoïde martien, ça ne devrait pas changer grand-chose à l'arrivée. À l'arrivée, oui. Ouais. Non, pas de regret? Monsieur. Comment s'organise ? Comment s'organise la surveillance et la connaissance du géoïde ? La surveillance et la connaissance du géoïde. Par rapport au fonctionnement des systèmes de radio-navigation par satellite. Par rapport au fonctionnement des systèmes de radio-navigation par satellite comme le GPS. Alors, nous avons cette chance que ces satellites de radio-navigation orbitent à 20 000 km à peu près. Et donc, ils sont loin et ils ne sont pas sensibles aux variations du géoïde. Pour calculer les orbites, puisque le GRGS, ce groupe, participe au calcul des orbites de ces satellites de radio-navigation, que ce soit américain, russe ou maintenant européen, on ne prend pas en compte dans nos calculs les variations du géoïde, comme on le fait pour les satellites bas, qui sont y compris même à 1500 km. Un exemple, on commence à prendre en compte les variations du géoïde aux effets annuels, voire semi-annuels, pour les satellites altimétriques tels que Jason à 1300 km. Un satellite altimétrique, c'est un des... Jason, on en a parlé hein, oui. Au cours d'un précédent Mardi de l'espace. Donc c'est un satellite qui est là pour déterminer une altitude. Hein. Il est capable d'envoyer un petit signal au sol, de récupérer ce signal et puis de mesurer le temps qu'il a mis pour lui parvenir. Et donc on réussit comme ça à avoir des calculs d'altitude. L'altitude de l'océan. Précis, ouais. Donc l'océan, il est réalisé pour calculer l'altitude des océans. Et pour ces orbites-là, on prend en compte dorénavant les variations du géoïde telles qu'on les déduit d'autres missions géodésiques ou que je même mentionnerais de gravimétriques, puisque les satellites GRESS ou GOES permettent de déterminer la gravité. Bon, on s'achemine vers la fin. Pas de regrets ? Non ? Alors peut-être une dernière petite question. Est-ce que vous voudriez nous re-raconter cette belle histoire que je trouve merveilleuse, d'Ératosthène. Ça nous met un petit peu loin de notre sujet, mais quand même, il y a quand même cette forme de la Terre qui est ronde, on le dit comme ça depuis le début de cette soirée, mais ça n'allait pas de soi, par exemple, au Moyen-Âge, si je ne me trompe pas, au Moyen-Âge, on s'imaginait que la Terre était plate, mais peut-être pas les lettrés, eux, avaient compris que la Terre était une sphère. En tout cas, Ératosthène, lui, grec, avant Jésus-Christ, avait été capable de le déterminer. Il avait même été capable de déterminer le diamètre de la Terre, et avec une précision tout à fait incroyable. Alors, on n'avait pas de satellite à l'époque, hein, vous me confirmez. Et on n'avait pas de satellite, d'accord. Mais Ératosthène avait le Soleil pour lui. Ouais. Et il avait entendu dire qu'au sud de l'Égypte, à Sienne à l'époque, aujourd'hui ça s'appelle Assouan, le Soleil frappait le fond d'un puits. C'est-à-dire qu'il était à la verticale de ce puits. Voilà. Donc au zénith. À certains moments de l'année. Au solstice. Au solstice, voilà. Et lui-même était le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie et également précepteur des enfants de Ptolémée III. Et il a constaté qu'à la même époque, un bâton fiché en terre, qu'on appelle un gnomon, portait une ombre. Et il a mesuré le rapport. Au même solstice, au même moment. Donc à Assouan, il n'y a pas d'ombre. Et ailleurs, à Alexandrie, là en revanche, on a une ombre. On a une ombre. C'est bizarre, donc ça. Déjà, il pouvait en déduire que la Terre était ronde, parce que si elle avait été plate, on n'aurait pas eu cet effet-là. Et donc, en mesurant le rapport entre l'ombre et le bâton, on en déduit l'angle projeté par les rayons lumineux, et en faisant un petit dessin, on s'aperçoit que cet angle est également l'angle au centre de la Terre. Mais il faut connaître la distance entre Assouan et cet angle représente l'angle au centre de la Terre entre Assouan et Alexandrie. Ouais. Bon. Et donc, comment est-ce qu'on connaît la distance entre Assouan et géométrie, si on a l'angle et si on a la distance entre les deux villes, alors on a le rayon. Et comment on a la distance mais entre les deux villes il lui fallait avoir cette distance. Ouais. Et donc il y a différentes histoires ou légendes, mais la plus vraisemblable est qu'il a utilisé des marcheurs professionnels. Des bématistes. Les bématistes. Qui est d'étymologie grecque. Et un bématiste compte ses pas, tout simplement. Et connaissant la longueur de son pas, il arrive à calculer cette distance, qu'il calculait à l'époque en stade. Le stade, c'est à peu près 180 mètres. Et il a mesuré cette distance à 5000 stades, ce qui a permis de déterminer cette circonférence de la Terre à quelques 10-15% près par rapport à la vraie circonférence terrestre de 40 000 km. Voilà, je vais sur Wikipédia, on me dit que c'est 40 000 km aujourd'hui, mais lui, il avait dit quelque chose comme 39 500. Enfin, c'était incroyablement proche de oui, la réalité. Oui, oui, oui, oui. Alors, bon, il a eu, dans un sens... De la chance. De la chance, car pour mesurer cette distance, il fallait qu'il chemine le bématiste le long d'un grand cercle, bon, et c'est-à-dire le long d'un méridien. Donc la chance, c'est que le Nil coule du sud vers le nord et à peu près le long d'un méridien. Malgré tout, il y a des méandres, donc on ne sait pas comment il a corrigé tout ça, mais il est arrivé quand même à une mesure tout à fait valable, effectivement. Avant de se quitter tout à fait, je voulais vous rappeler quand même deux rendez-vous. Le 19 février, donc mardi, le troisième mardi du mois de février, catastrophe naturelle de point LED du spatial. On va voir comment le spatial aide à gérer des situations de catastrophes naturelles. Et le mois d'après, vous serez nombreux, je le sais, j'en suis sûr. Mars foulé, Mars révélé. Donc c'est le 19 mars. On va parler de la planète Mars avec Francis Rocard, avec Sylvestre Maurice. On va parler de Curiosity, ce rover qui se trouve actuellement à la surface de la planète rouge et qui est en train de nous envoyer des tas d'informations absolument passionnante. Avant de tout à fait de se quitter, je voulais vous signaler ce document-là. C'est La Terre sous toutes ses formes, ça fait 25 pages. C'est Richard Biancal et Isabelle Panet qui l'ont réalisé pour vous. Si vous avez envie, donc il y a plein d'informations, plein de documents à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à le prendre en passant. Vous pouvez le récupérer. Merci infiniment Richard Biancal et Isabelle Panet d'avoir été avec nous. Heureusement, la technologie a fait pas mal de progrès. On n'a plus besoin aujourd'hui de marcher hein, d'Assouan jusqu'à Alexandrie. Mais quand même, avec vous, les distances sont longues hein, parce que vous envoyez des satellites à des centaines de kilomètres d'altitude pour réussir à avoir des précisions millimétriques. Enfin, on est vraiment, évidemment, tout à fait fascinés. Mais justement, les satellites vont beaucoup plus vite aujourd'hui. Ah oui. Et donc, ils nous donnent les mesures beaucoup plus rapidement. Et on n'a pas parlé de prospective, mais malgré tout, on continue à utiliser et étudier des nouvelles techniques. Et la prochaine mission qui va utiliser des techniques comme la mission Grèce, par exemple, va être lancée en 2017. Et sa précision ne sera plus le micromètre, mais sera le centième de micromètre. Le centième de micromètre. Donc le centième de millionième de mètre, ce sera la précision. Grâce à vous, on a chaussé des lunettes gravitationnelles. Et on a vu le monde d'une façon un peu différente avec ces lunettes gravitationnelles. Et vous nous avez permis d'accéder à une autre réalité qui est pourtant la réalité. C'est autant la réalité que celle qu'on voit, mais on n'y a pas accès intuitivement. On a besoin pour ça des sciences, on a besoin de scientifiques, on a besoin de vous. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui, ce soir, et de nous avoir apporté toutes ces explications. Merci infiniment, Isabelle Panet et Richard Biancal. À dans un mois. Merci, au revoir. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.